said, I'm gonna tell you when, what I'm gonna. Almost never with a frown. Yes, I feel like this, but my baby can't be found. I love you, baby, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. I love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm torn out. Je viens d'écouter pour débuter cette émission un morceau de Freddie King, I'm Tore Down. Je te souhaite la bienvenue pour cet épisode 13 d'Esprit Libre. Je t'explique le contexte, il est 7h58, on reçoit le petit voisin et mon chien a horreur du petit voisin, donc je suis congédié dans mon grenier, voilà. Tout s'explique. On va partir en musique donc pendant une heure environ. Et là, on va faire deux morceaux de rock psychédélique avec un qui est japonais, je crois. Il faudra que je regarde. Kikagaku Moyo avec Smoke and Mirrors. Et ensuite, un morceau de Naxatras. Vous aurez l'occasion d'en entendre avec le titre Machine. Voilà. Ça commence tranquillement. J'ai mon petit thé avec moi, je bois pas de café. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Thank you. On continue cette partie musicale avec Beginnings du groupe Chicago et Aerosmith, qu'on ne présente plus, Toys in the Attic. Voilà. Bonne continuation musicale. Ah! Faites place à Lord Casque Noir. Garde à vous en présence de Lord Casque Noir. Truc-là. Oh. Vous venez d'entendre Atlanta Rhythm Section avec Spooky et ensuite Toto, Rosanna. On continue avec Bob Seger and the Silver Bullets, Bullet Band, Earl Stewart et Eagles. On va pas faire le Hotel California que tout le monde connaît, mais on va faire One of These Nights. Bonne écoute et on arrive bientôt à la fin, hein, je vous préviens. Ce sera le temps pour moi de reboire un deuxième café. À tout à l'heure. Independence. She's a lady. Et voilà, il va être l'heure de se quitter. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ce bonus, le groupe Franck, ils sont français, oui. C'est Catonoma et mené par Rodolphe Burger. Et le titre, c'est Radioactivity, donc une reprise de Kraftwerk. Voilà, ça y est, j'y arrive. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. slowly. Thank you. Merci beaucoup.